20 métros entre la terre et l'eau dans l'île de la cité. Nous deux mains dans la main en sifflant le refrain d'une chanson d'été. L'année de tes 20 ans emportée par le vent, tu m'as dit ton plus beau secret. La Seine à nos pieds, nous nous sommes jurés de ne jamais nous séparer. Ce soir j'ai envie de t'aimer, de sentir ta peau, tes baisers, de pouvoir encore et le froid, tu sais très fort de mes bras. Ce soir j'ai besoin de tes yeux comme d'un vrai trésor. Je voudrais te dire, reste là. Non, ne t'en va pas. Ce soir, j'ai besoin de tes yeux comme d'un vrai trésor. Te dire, reste là. Non, ne t'en va pas. Non, ne t'en va pas. Non, ne t'en va pas. Redescends du grenier, tout est vinyle de jazz. Ton vieux tes basses, tu préviens les fêtards, la bande de bons copains. Quelle joie de se revoir, de danser jusqu'au matin. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. C'est un instant magique qui va nous rajeunir. Au nom de la musique et de nos souvenirs, sur les 45 tours, elles vont à nouveau tourner. Nos belles chansons d'amour et nos rockeurs endiablés. Mais nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Mais nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Richard avait ses fans et Claude François ses groupies. Les filles versaient des larmes au concert de Johnny. Notre folle jeunesse et nos flirteuses insensées ont gardé la tendresse de nos jeunes années. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Descends du grenier, tout est vinyle et de jazz. Tout est disque yéyé et branche ton vieux tes passes. Tu préviens les fêtards, la bande de bons copains. Quelle joie de se revoir, de danser jusqu'au matin. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Et nous voilà tous réunis ce soir pour une nouvelle surprise partie. Mathieu Martini nous a interprété un titi corrézien, Corrèze, mon village. Ce soir, j'ai envie de t'aimer et une nouvelle surprise partie. Alors là, c'est plus une surprise partie que je vous invite. On va rendre un petit hommage à quelqu'un qui est disparu à l'âge de 70 ans. Christian Péchel. Christian Péchel, accordéoniste d'Auvergne, chef d'orchestre. Et je ne sais pas de quoi elle est disparue d'ailleurs. Est-ce rapidement ou est-ce une maladie, je ne sais pas. Il va nous interpréter « Moi, je suis de l'Auvergne ». Les montagnes d'Auvergne, les volcans, les vaches rouges, la bourrée, les petits bals populaires, les bistrots où l'on craque entre amis, le secret du bonheur sur la terre, c'est ici en Auvergne jolie. Y'en a qui vous disent, as-tu vu Venise et la tour de Pise, vraiment c'est divin. Tout ça m'indiffère, car moi je préfère mon petit lac Paval, puis Marie et mon jardin. Y'en a qui homarde, y'en a qui poularde, y'en a qui caviarde, chez Brassou trois gros. Tout ça m'indiffère, car moi je préfère une bonne tête de veau, un petit coup de rouge comme Jaco. Moi je suis de l'Auvergne, j'aime les filles, le bon vin, la beauté des montagnes d'Auvergne, les volcans, les vaches rouges, la bourrée, les petits bals populaires, les bistrots où l'on craque entre amis, le secret du bonheur sur la terre, c'est ici en Auvergne jolie. Y'en a qui sans cesse s'en vont à la messe, qui courent à confesse pour gagner l'au-delà. Tout ça m'indiffère, car nous sur la terre, chez les Auvergnats au paradis, on y est déjà. lorsque reviennent les vacances, dans les beaux jours d'été, on attend avec impatience de pouvoir s'évader. Moi, c'est en plein cœur de la France que vont mes préférences. Là-bas, j'ai trouvé le temps de rêver, la joie de vivre et de chanter. C'est un petit village au flanc du Puy-Marie. Parmi les fleurs sauvages, en Auvergne où j'ai grandi, dans ces verts paysages, on oublie les soucis. Et si le vent souffle de temps en temps, c'est pour mieux nous faire la fête. Quand il se mêle aux airs entraînant des cabrettes, certains courent à perdre haleine en rêvant de bonheur, souvent vers des rives lointaines pour cueillir une fleur. Sans mes rivières et mes fontaines, j'aurais bien trop de peine. Dans mon beau Cantal, mon pays natal, je redeviens sentimental. Je revois mon village au flanc du Puy-Marie. Parmi les fleurs sauvages, la maison où j'ai grandi, c'est la plus belle image que je garde aujourd'hui. Avec l'amour qui fait danser mes jours et chante sa ritournelle dans le cœur de ma tante et jolie pastourelle. Donc malheureusement on n'a pas de prévu de texte, c'est trop récent, peut-être la semaine prochaine j'aurai quelque chose. Ce sont des essais de Christian Pêcheur, de ses origines, etc. Et on va continuer avec Jean-Désiré Bailly, et ce sera La bourrée du corps. Ton cœur qui bat, reste près de moi et vivons notre amour. Ô toi ma belle, que mon cœur appelle, as-tu entendu le bon son du corps? Sous la ramure, pleine de verdure, bien plus près de moi, je t'aimerai plus fort. Je voudrais encore, quand je suis près de toi, écouter ensemble le joli chant du corps. La forêt qui tremble sous le souffle du vent, dans ce beau décor, je t'aime plus encore. Pour toi ma belle, que mon cœur appelle, as-tu entendu le bon son du corps? Sous la ramure, pleine de verdure, bien plus près de moi, je t'aime plus fort. Reviens chaque jour, je t'en prie mon amour, car il faut encore écouter le corps. Car je veux toujours conserver cet amour qui naquit un jour en écoutant le corps. les allées au bras de son galant. Elle était comme nous au temps de sa jeunesse, les pommettes rosées et son petit cœur battant. Écoutant les oiseaux et cueillant les fleurettes, elle va tomber dans les bras de son amant, tout en se cachant de sa maman qui la guette. Cupidon l'entraîne dans son carrosse blanc. C'est la chasse, tout le monde est aux aguets. Les piqueurs et les chiens attendent de serviner. On a pris le plus fort pour mettre sur le pied. Attention dans l'allée, le licor vient de passer. Que c'est beau cette troupe aux couleurs chatoyantes, courant dans les bosquets et gravissant les pentes. À la chute du jour, notre cerf sera pris. Les trompeuses et les cors sonneront la lalie. Des grands bois de notre belle France se cachent des légendes et de beaux souvenirs. C'est les trompes et les cors qui nous en font l'offrande. C'est la vie des châteaux qui semble revenir. Que de joie, d'émotion enterrée à jamais. La chasse, les amours et toutes les promesses, vécues sous les ombrages magiques de la forêt. Tous ces jolis moments qui par nos champs renaissent. Aujourd'hui c'est la fête, on est tous réunis. Cuisinières et servantes ont mis leurs beaux habits. On sent par les fenêtres les odeurs de rôti. Les cochers rentrent, les chevaux aux écuries. Les lustres au salon brillent de mille lumières. On entend les violons jouer les valses de bière. Les jeunes vont s'offrir l'honneur de la jarretière. Et les parents s'amusent avant que le jour vienne. Avec Mathieu Martini chez la Marissou. J'ai revu Fredo qui m'a rappelé nos souvenirs de jeunesse. À pied, à vélo, quand on s'en allait, on avait le cœur en fête. Rien n'était plus grand, rien n'était plus beau que nos rêves plein la tête. On courait les filles qui savaient nous résister. C'était en famille, au ballon se retrouver. Dimanche de Pâques, on dansait chez Marissou. Nous on mettait la cravate pour aller au rendez-vous. De Corrèze à Chambolive, de Tulle à Saint-Augustin. Fallait que jeunesse vive, comme le disaient les anciens. Oui, les dimanches de Pâques, chez la Marissou c'était bien. We'll be right back. renfermé, les rideaux tirés, seule ma mémoire vagabonde. Une histoire passée, peut-être oubliée, entre les heures et les secondes. C'était un petit bal comme un carnaval qui a fait le tour du monde. Disparues les filles qui pouvaient nous résister. Ce soir en famille, ensemble on va raconter. Tous les dimanches de Pâques, on dansait chez Marissou. Nous on mettait la cravate pour aller au rendez-vous. De Corrèze à Chambolive, de Tilde à Saint-Augustin. Fallait que jeunesse vive, comme le disaient les anciens. Oui, les dimanches de Pâques, chez la Marissou, c'était bien. Et on revient malheureusement vers Christian Pechel, qui nous a quittés dimanche dernier. Je rappelle, à l'âge de 70 ans. T'es quand même pas âgé. Allez, une place pour la polka piquée de la Bourri Blanche. Thank you. Et on revient vers Christian Pechel avec la chanson... Silence. Avec la chanson du... Non, même pas. Avec Je reviendrai chez Bastide. Mais permène, et même va où chez Bastide. Eh bien, c'est pas de mon brustal. Ben, j'aurai une quoi. Eh bien, quoi, il a bon ami jour. Eh bien, merci, va, je suis toujours le même. C'est vraiment la maison du bon Dieu, qui n'est jour que l'été soit torride, vous y serez toujours bien accueillis. En nos bras, la cuisine est solide, on y sert un très bon aligot. Vous reviendrez comme moi chez Bastide, chez eux c'est la vie de château. Quand je vais jouer de l'accordéon, dans les petits bals de la région, je passe toujours par Nasfinal, ça me remonte le moral. Toute la famille me fait la fête, on trinque, on boit, tourne les serviettes. Croyez-moi, prenez donc votre temps, à l'hôtel c'est la route d'argent. Je reviendrai toujours chez Bastide, c'est vraiment la maison du bon Dieu. Qu'il n'est jour que l'été soit torride, vous y serez toujours bien accueillis. En l'empreinte, la cuisine est solide, on y sert un très bon aligot. Vous reviendrez comme moi chez Bastide, chez eux c'est la vie de château. Dans son allez, Bastide, regarde la vallée à pleine de soleil couchant. Le bateau, sa flûte enchantée, des airs qui la font poser dans les champs. Chante, chante, ma musette, la chanson de mes plus beaux jours. Chante, chante, ma musette. Je crois que là, on a un petit problème. Les maçons de la Creuse, Martin qui est là. On chante les chansons de toutes les manières. Et si mes souvenirs sont bons, Martin qui est là, ça devait être le beau-père. À Georges Cantournet, mais je suis pas sûr. La chose est ennuyeuse, et je vais vous chanter les maçons de la Creuse. Arrive Vive le printemps, ils quittent leur chaumière, laissent leurs vieux parents, leurs enfants et leurs mères. Il n'y a plus de désespoir, des filles amoureuses, elles vont dire au revoir au marteau de la Creuse. Voilà tous partis pour faire leur campagne. On voit la voix partout, en Bourgogne, en Champagne. Les autres vont ailleurs, soit dans la mer trompeuse. Ce sont des travailleurs, les maçons de la Creuse. Semaine de fer qui traverse la France ont coûté bien des pleurs et beaucoup de souffrances. Les canaux et les ponts de la Seine à la Meuse, qui doivent leur nom au bâton de la Creuse. Voyez le Panthéon, voyez les Tuileries, le Louvre et l'Odéon, le Palais de l'Industrie. De tous ces monuments, la France en est très fière, elle doit cet agrément au bâton de la Creuse. Arrive l'hiver, la maison des belles, chacun ça va c'est quoi au pays de la Creuse. À l'hiver la saison, la fille est très heureuse d'avoir à la maison un maçon de la Creuse. L'auteur de la chanson, ce n'est pas un poète, c'est un ouvrier maçon, vivant sa chopinette. Toujours gai et content, souvent sa vie heureuse, et se vantant gréement d'être maçon de la Creuse. Et on écoute maintenant La Bourrée de la Corrèze, toujours par Martin Kella. Thank you.

élégante, tu fais tourner les moulins. Cavalière, si légère, tu éclaires tous les matins. Limousine, tu trottines et tu joues de tes atouts. Harlequine, cabotine, j'en oublie mes rendez-vous. Toi la ronde, corésienne, musicienne, tu es mienne. Toi la ronde, corésienne, moi je chante ton refrain. Quand tu danses, en cadence, tu fais tourner bien les cœurs. Quand tu chantes, tu m'enchantes et tu es tout mon bonheur. Au-delà des bruyères, toujours Mathieu Martini. Composition de Sébastien Farge, Marc Provence et René Grolier. Moi je suis né au-delà des bruyères et j'ai le cœur en Auvergne joli. Il y a tant d'histoire et d'amitié sincère dans nos villages qui sentent bon la vie. Où l'on chantait dans de douces campagnes, je viens d'écrire cette simple chanson. En y mettant l'écho de nos montagnes, pour faire un cœur qui monte à l'horizon. Enfin pour toute la terre, autant de paix qu'il y en a ici. Des prairies vertes et des sources limpides, 100 000 oiseaux pour vos 4 saisons. Des gens sincères à l'amitié solide, des soirs tranquilles au calme des maisons. Quelqu'un l'entend, il trouve l'espoir. Et si c'était le vol de la colombe, ces trois couplets qui nous viennent du cœur, ça deviendrait à l'autre bout du monde un lien d'amour, notre bruyère en fleurs. L'hymne d'amour de la bruyère en fleurs. L'hymne d'amour de la bruyère en fleurs. Tilleul de mon village, Mathieu Martini. Composition de Fernand Reynaud et Henri Stolz. Attention, je dis bien Fernand Reynaud, pas le fantaisiste, mais l'accordéon. Sa peau et les cœurs gravés, le tilleul de mon village. On a vu des mariages, le baptême des grands-parents est passé. Des enterrements, ils l'ont trouvé ce matin matin et signer nos lendemains. Et scier nos lendemains. Ils l'ont coupé ce matin. Et scier nos lendemains. Le tilleul de mon village se moquait bien des nuages, présidait aux discussions, aux bagarres, les élections. Le tilleul de mon village nous protégeait des orages, abritait les amoureux et m'offrait son ombre aux vieux. Ils l'ont coupé ce matin et scié nos lendemains. Ils l'ont coupé ce matin et scié le lendemain. Le tilleul de mon village a vu les derniers attelages, le goudron et les autos, et moi j'ai posé mon vélo. Le tilleul de mon village, c'était tout mon héritage, le souvenir du bon temps. Ils l'ont coupé ce matin, essayé nos lendemains. Ils l'ont coupé ce matin, essayé nos lendemains. Le tilleul de mon village, toujours fort et toujours sage, guérissait maladie, il était notre vie. Le tilleul de mon village, il avait dans son feuillage le chant des berges honnêtes, les lampions, les jours de fête. Ils l'ont coupé ce matin et scié nos lendemains. Nos lendemains, ils l'ont coupé ce matin et scié nos lendemains. Ils l'ont coupé ce matin et scié nos lendemains. Et scié nos lendemains. Et scié nos lendemains. Actuellement l'antenne tourniquet avec Martin Keller. Thank you. encore, je ne croyais plus à rien. La solitude me guettait chaque matin. J'avançais somnambule sur le fil de l'ennui, déçu, ridicule, seul aux pentes de la nuit. Ma vie maintenant, je veux la vie auprès de toi. Terminer le temps, tes aventures, au feu de joie. Depuis que tu marches à mes côtés, j'ai retrouvé le verbe aimer dans tous les regards de la rue. Ma vie maintenant n'aura plus jamais peur de rien, quel que soit le temps que nous réserve le destin. Ton amour m'a fait passer de l'ombre à la lumière et brûler toutes les chimères du temps perdu. Sont tombés par imprudence, j'ai fini par me blesser. Et voilà la confiance qui vient me retrouver. Nous deux, quelle chance de nous être rencontrés. Ma vie maintenant, je veux la vie auprès de toi. Tes aventures ont peu de joie. Depuis que tu marches à mes côtés, j'ai retrouvé le verbe aimer dans tous les regards de la rue. Ma vie maintenant n'aura plus jamais peur de rien, quel que soit le temps que nous réserve le destin. Ton amour m'a fait passer de l'ombre à la lumière et brûler toutes mes chimères du temps perdu. Les heures passées de 45 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel, c'est la nouvelle heure. Ne vous inquiétez pas, on est à l'heure. Et on va continuer avec, oui, pourquoi pas, notre ami Patrick Renal. Premier sketch. Ah ben, il y a un truc que je vous dis quand même, et c'est vrai, c'est que nous autres, on n'est pas galants. Ah non, les paysans, on n'est pas galants, hein. Ah, bien sûr, à Paris, on dit que là, les Parisiens, ils sont idéalants. Oh, ça, dans le métro, il n'y a pas un homme qui peut voir une femme debout. C'est vrai, ils ferment les yeux. Mais nous, on est francs, on le dit, on n'est pas galants, pis c'est tout. Tiens, dans la Micheline, l'autre jour, il y avait des bounoums, ils en allaient à la foire, à 100 coins. Il y avait le PLOUI qui est dans son coin, là, pis là, des banquignons, des gars qui allaient à la foire. Et puis, tiens, un petit marin qui est assis dans son coin, un gars qui va au-dessus de la Joyeuse, il me demande permission. Et puis tout d'un coup, à la gare un peu plus loin, là, à la chapelle Hugon, il y a une petite femelle qui monte, ben éveillée aussi, avec son petit panier, là. Elle t'aide là au mi-temps, mais la machine qui repart mon vieux, mais la gamine, ça la trimballette partout. Il n'y a pas un bonhomme qui voulait se lever pour y donner sa place, hein. Il y a le Pilouis qui était dans son coin, il dit, ma pauvre fille, tu vas quand même pas te trimballer comme ça jusqu'à 100 coins. Va donc t'asseoir sur les genoux du petit militaire, il veut pas s'en plaindre. La gamine, pas fière, ni une ni deux, et pof, la v'là établie sur la marine. Ben oui, mais tout d'un coup, la v'là qu'elle se met à tanguer, et puis à tanguer, et puis que je m'en vais de bâbord à tribord, et puis qu'il y a des choses qui me gênent, mais que je sais pas ce que c'est, et puis que je suis mal à mon aise, il y a le marin intimide, il devint rouge comme une piouenne. Oh, il dit, mademoiselle, vous voulez pas vous lever? Je vais tâcher d'arranger ça, c'est peut-être ben ma pipe qui est mal rangée. Il cherche dans cette poche, il range cette pipe comme il peut, il s'installe, la pumelle, pas plus fière qu'avant, et pan, la v'là recutée sur le mataf. Ah ben, enfants, la v'là repartie, t'as se tortille, et puis que je me tortille, et puis que, comment ont-ils l'arrangé? Je crois qu'il a mis le groupe du mauvais côté. Que je suis mal à mon aise. Ben, c'est pire qu'avant. Et le Pélouis dans son coin, qui rigolait, ce pauvre vieux, mais rigolait. Oh, il dit, ma pauvre gamine, je veux pas te voir tortiller comme ça jusqu'à 100 coins. Va donc t'asseoir sur mes genoux. Moi, ça fait 20 ans que je fume plus. C'est Christian Pechel, encore lui. Christian Pechel qui nous a interprété la marche des cabrettes corréziennes. Et c'est aujourd'hui qui va nous interpréter la polka de Montmagny. Christian Pechel nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 70 ans. C'était un monsieur au terme duquel on doit beaucoup de choses en Auvergne, bien sûr en accordéon. Il y a des noms comme ça, Bernard Ruel, Mathieu Martini, François Martini, Jean Ségurel, j'en passe et des meilleurs. On peut également citer Pierre André, malgré qu'il ait quitté le Limousin, qui est toujours parti de la même région. Et Georges Chantourneur, j'en oublie très certainement, parce que c'était le plus grand accordéoniste de la région. Bernard Rual, Bouquet d'Auvergne, de Jossoni, Jean Segurel et Robert Monédière. Ohé, ohé, ohé, vont bien aux boutiques cabrettes. Les airs joyeux nous réchauffent le cœur. Le ciel est bleu, la nature est en fête. Et tous les yeux sont couleur du bonheur. Nous aimons bien aux boutiques cabrettes. Les airs joyeux nous réchauffent le cœur. Le ciel est bleu, la nature est en fête. Et tous les yeux sont couleur du bonheur. Tu joues pour moi, pour ma bonne cabrette. Dans les bourrées, notre vieux pays. Que fredonnait autrefois nos ancêtres. Dans les hameaux plots, au pied des pluies. Tu joues pour moi, pour ma bonne cabrette. Que fredonnaient autrefois nos ancêtres dans les hameaux petits au pied des puits. Goffredo qui m'a rappelé ses souvenirs de jeunesse. À pied, à vélo, quand il s'en allait, il avait le cœur en fête. Rien n'était plus grand, rien n'était plus beau que des rêves plein la tête. Il courait les filles qui savaient lui résister. C'était en famille qu'au bal on se retrouvait. Tous les dimanches de Pâques, on dansait chez Marissou. Près de mettre la cravate pour aller au rendez-vous. De Corade à Chambolive, de Tulle à Saint-Augustin. Fallait que jeunesse vive, comme le disaient les anciens. Oui, les dimanches de Pâques, chez la Marissou, c'était bien. Restaurant fermé, les volets tirés, seule la mémoire vagabonde. Une histoire passée, peut-être oubliée, entre les heures, les secondes. C'était un petit bal comme un carnaval qui a fait le tour du monde. Disparu les filles qui savaient se faire aimer. Ce soir en famille, on s'en va raconter. Tous les dimanches de Pâques, on dansait chez Marissou. Près de mettre la cravate pour aller au rendez-vous. De Corrèze à Chambouly, de Tulle à Saint-Augustin. Fallait que jeunesse vive, comme le disaient les anciens. Oui, les dimanches de Pâques, chez la Marissou, c'était bien. Dans la prairie, de tout mon cœur, je dis merci. Je ne suis plus seul à présent. J'ai rencontré ma princesse charmante. Le ciel est bleu, l'air est joyeux. Quand chaque jour nous permet de vivre à deux. Ma tête posée sur son épaule. Je pense à toi, doux rossignol. Retour aux environs de Vierzon, dans le Cher, notre ami Patrick Canal. Ah ben, l'autre jour, il y a la mère Louise, elle arrive chez le docteur avec sa gamine. Bonjour docteur, voilà ce qui m'amène. J'ai ma jeune fille, mais je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Elle a des lourdines, des nausées, je sais pas. Elle est bizarre, depuis quelques jours elle est bizarre. Et comme dimanche prochain elle doit être rosière... Je voudrais qu'elle soit dans l'état quand même de se présenter devant tous ces messieurs, puis tout ça. C'est pour une preuve qu'on a une rosière, hein, ma grande. Le docteur, il dit, bien, madame, ben, je vais l'ausculter, votre future rosière. Il dit, étant, voilà, ma jeune fille, elle s'étend. Et il dit, alors, tu te sens mal, j'ai l'attendu. Il dit, ben, ma jeune fille, bon, tu connais un garçon? Oh, non. Ah, bon, tu connais pas de garçon, pas du tout. Ah, non, docteur, non. Bon, attends-moi là, il va voir la mère. Dites donc, votre future rosière, elle est enceinte. Oh ben non. Oh ben ça, c'est pas possible, écoutez, quand même, elle, jamais un garçon est venu à la maison, jamais elle est sortie, elle va jamais au bal. Oh ben écoutez, si je vous dis qu'elle est enceinte, c'est qu'elle est enceinte. Oh ben alors ça, mais docteur, mais c'est pas possible, mais vous êtes trompé de diagnostic, mais c'est pas, mais ma jeune fille, mais jamais, vous, mais, elle est toujours à la messe, elle est toujours avec monsieur le curé, mais non, c'est pas possible. On l'appelle, Catherine, vient là. Oui, maman. Est-ce que tu fréquentes un garçon? Mais non, maman, je fréquente pas, tu le sais bien. J'ai jamais été au bal, j'ai jamais vu de garçon, ni rien du tout. Alors, écoute, le docteur vient de me dire que tu étais enceinte. Oh, ben, alors ça? Oh, ben, alors ça, je peux rigoler, hein? Oh, maman. C'est vers l'audio. Quoi? Oui, maman, c'est vers l'audio. Oh, oui, maman, maintenant, ça me revient. L'autre jour, je rentrais avec mon vélo. J'avais 2,4 litres sur mon guidon. J'ai loupé un virage, je suis tombé dans la mare au canard. Et alors, c'est pas comme ça qu'il t'a mis enceinte? Ben, si, parce que, il m'a ressorti de l'eau, il m'a couché sur lèvres, et il a dit qu'il me faisait la respiration artificielle. Heureux, c'est là que sont tous mes amis. Dans ma Corrèze, on est heureux et je veux y passer ma vie. Perle de la France, au cœur de notre pays, tu es ma douce espérance, toi ma Corrèze chérie. J'aime tes villages, tes châteaux et tes clochers. Où il fait bon planer. Plus que tout au monde, j'aime ma Corrèze, car c'est la région qui fait vibrer mon cœur. Ma joie est profonde quand je suis en Corrèze. J'ai trouvé ici la raison du bonheur. Que tu es belle, ma Corrèze, ma passion. comme une tendre aquarelle. Tu fais chanter les saisons. J'aime tes musiques, le folklore et la bourrée. Tes fêtes sympathiques où il fait bon danser. Et on continue par une dédicace. Mon cœur te dit je t'aime. C'est l'orchestre Jo et Alexis Musette. C'est de la part de l'animateur pour Anne-Marie et pour Anne-Marie pour l'animateur, comme tous les dimanches, bien entendu, l'aller-retour. Mon cœur te dit je t'aime de Frédéric François.

mes rêves d'enfance. 14h passées de 22 minutes. Je les bras, car je t'avais promis qu'un jour tu partagerais ma vie. À Saint-Augustin, voilà un bien long voyage. J'ai pris la direction du Limousin, il fallait bien forcer le dessin. C'est la route que je préfère quand je reviens au pays. Elle me conduit vers tes bruyères, en plein cœur des Molinières. Elle sent le foin et la fougère, longe les bois, les ruisseaux, les croix, toutes les chaumières. Le vent donne le tempo, la route des Monédières, tu seras là près du faux-faux. À toi mon pays, Bernard Ruel, composition Mathieu Martini et François Martini. Quand je vois passer des nuages cachant le décor ciel bleu, je leur confie un message, le message d'un amoureux. Car je sais que dans mes rêves, tu es toujours tout près de moi. Et que dans mes nuits trop rêves, je te revois comme autrefois. Alors, dans la famille de Berlaudiot, il y a le Berlaudiot qui est complètement souhait, c'est depuis son grand-père, depuis son père, toute la famille, elle est tout souhait. Et lui, il s'est marié, il a réussi à se marier quand même. Oui, mais alors voilà, avec sa femme, il a des problèmes. Le temps qu'il dit j'ai envie de. Faut retourner au boulot, quoi. Et oui. Alors évidemment, ce qui devait arriver, elle l'a fait le cotu, c'était normal. Mais lui, il s'en a aperçu. Et ça y a pas, pas, pas, pas, pas. Ça y a pas, pas, pas. Ah, ça y a pas plus du tout, hein. Elle dit, je vais Didi, je vais Didi, je vais Didi, je vais rompre. Ah oui, parce que maman, je vais aller voir un avocat et ça va vite fait, ça va aller rondement, hein. Il arrive chez l'avocat, il dit, voilà, je veux divorcer. Oh ben mon vieux, vous êtes pas le premier. Ah ben ça, je sais, mais moi ça me plaît pas du tout, hein. Bon, ben d'accord, moi je peux m'occuper de votre dossier. Vous avez des preuves? Alors ça c'est la mémé, c'est pas la mémère, non, c'est la mémé, c'est la mémère. Quand vous croyez que quand il, moi je suis à regarder. Ah oui, je sais bien, mais moi, il me faut des preuves. Mais je ne peux pas vous donner de je sais, je suis coutume, mais je n'ai pas de comme vous dites. Bon, dites-moi, je vais vous demander quelque chose, parce que faut en sortir de ça. Vous savez faire de la photo? Ah ben, je peux pas tellement, mais je sais quand même, hein. Bon, parce que voilà ce qui va se passer. Vous habitez dans un appartement? Ah non, je suis dans un papa. Ah bon, vous habitez chez vos parents? Non, dans un beau papa. Dans un beau pavillon. Ah bon, dans un pavillon. Ah oui. Bon. Et la chambre donne sur la rue ou sur la cour? Ah, donne sur le jardin. Ah bien. Bon. Ben vous allez attendre cet été. Ah pas, parce que faut que j'attende. Oh, non, j'attendrai pas. C'est, ah ben vous voulez divorcer ou pas? Non. Mais je veux, mais je veux pas encore être cotu jusqu'à qu'à cet été. Ah ben faut savoir si vous voulez. Bon ben je vais faire comme vous dites. Alors voyez, vous mettez dans le fond du jardin. Et quand l'été arrive, bien sûr, ils vont ouvrir la porte-fenêtre. Vous prenez des photos. Vous m'amenez les clichés. Et j'ai des preuves. Ah bah là, alors là je vais prendre un copain. Ah bon, oui, parce que moi si je prends les photos, je vais louper le papa le pavillon. Oui, évidemment. Enfin, débrouillez-vous, moi vous m'amenez les photos et c'est tout. Bon. L'été arrive, prends des photos, va chez le photographe, les fait développer, les fait agrandir. Et alors là, qu'est-ce qu'il voit? Son meilleur copain, son témoin à son mariage qui était sur la fofo, sur la fofo, avec sa en train de Il fonce comme il peut, il arrive chez son copain, il rentre, il fait « Ah, t'es là, mon salut !» Alors il fait « Qu'est-ce que t'as ?»« Ouh, tu me demandes, à moi, c'est ce que tu te fous de demain, demain. » Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je te dis que... t'as pas que je vais te battre. Mais ça va pas, mon vieux, assis-toi. Ah, tu crois que je vais m'asseoir, je vais te faire... Regarde ça. Oh, tu fais de la photo à présent, toi? Ben, c'est pas mal, dis donc, c'est chez toi, là, c'est dans la chambre avec ta femme, là. Et à côté, c'est moi, dis donc. On est un peu serré. Oh le pourri. Et celle-là? Ah, ben alors celle-là, dis donc, je sais pas comment on était en manche. Je sais pas ce que je te ferais. Eh ben, je sais pas, mon vieux. Tu m'en fais 6 de chaque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, en France, nous sommes très inquiets. Les natalités diminuent. On a de moins en moins d'enfants. Hein. Ah, les familles nombreuses, c'est fini. C'est même plus le prix cognac maintenant, c'est le prix Vichy-Fraise. Ah, mais c'est plus possible. Ça savait pas non plus celle-là, vous voyez. Enfin bon. Ah non, mais c'est vrai, on fait plus de gamins. Hein. On n'en fait plus. Puis même des fois on en fait, même des fois on les jette, alors faut pas faire ça. Ah ben je l'ai entendu dans la télé, je l'ai vu à la radio, il y en a qui font ça. Ah oui, oui, il y en a qui jettent les. Oh. Et on n'en fait plus, puis on a peur de faire des gamins, puis voilà, puis c'est tout, on a peur. Eh ben, là qui porte depuis une quinzaine d'années environ, dans la France profonde, dans un petit pays, Bougie, des gamins. Mais des gamins, il y en avait. Enfin, c'est bien simple, des familles en dessous de 3, il n'y en a pas. Mais alors, par contre, il y a familles de 4, de 5, de 9, de 14. Il y en a. Alors, pensez qu'au ministère de la Famille et de la Santé, ça les a émus, on dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Avec les médias, tout ça, on va faire un grand truc. Ils ont détaché un attaché. Conseiller au sous-secrétaire d'État du secrétaire du ministre qui était encore avec un autre ministre, parce que maintenant, il y a plusieurs ministres. Alors, t'as qu'à voir si c'est quelqu'un, hein. Ils n'ont pas envoyé n'importe qui. Hein. Alors, la détachée, parce que c'était une dame, Madame Poignet. Je vous en prie, c'est pas drôle, cette femme s'est penchée sur le problème des enfants car elle n'a pas pu en avoir avec son mari qui a décédé beaucoup trop tôt. C'est donc Madame Veuve Poignet. Qui a été désigné par le gouvernement et le ministère de la Famille pour s'occuper de cette manifestation à Bougie. Évidemment, on avait fait des choses en grand à Bougie. Il y avait une kermesse formidable. Il y avait bien sûr les majorettes, avec en vedette, pas n'importe qui est venu en vedette, Mireille Mathieu. Bah, c'est normal, ils sont 14 dans sa famille. Les compagnons de la chanson. Bon, fin de première partie, eux, c'est pas parce qu'ils sont neufs, c'est parce qu'ils font toujours leurs adieux. Un très beau spectacle. Alors, en première partie, on avait voulu faire quand même cette remise de décoration sous forme des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les familles de 5 avaient une médaille de bronze, les familles de 9, une médaille d'argent, et les familles de 14, une médaille d'or. Et on avait invité aussi la doyenne, c'est normal, la plus vieille, 104 ans, qui était là, à côté des VIP. Les VIP, visiteurs importants de personnalité. Moi, je les appelle les PA, pite assiette. Enfin, il y avait du beau monde, il y avait du linge. Le préfet, qui remplaçait le sous-préfet, comme je vous l'ai déjà dit, c'est rare, mais ça arrive, il était là également. Et Madame Poignet commence à faire ses allocutions. Alors là, je vous passe les discours, les allocutions du maire, je vous passe tout ça. On revient aux médailles. Alors voilà, chère petite madame, la médaille de bronze, bravo. La grand-mère qui est pas sourde. Vous pouvez les remercier, oui, vous pouvez les féliciter. S'il n'y avait pas eu Berlaudio, on n'en serait pas là. Tout le monde se marre, tout le monde se tape sur les cuisses. La détachée qui se détachait de plus en plus. Je ne comprenais rien du tout. Médaille d'argent. Pareil. Oh oui, c'est bien gentil, oui, vous pouvez bien les féliciter. S'il n'y avait pas eu le Berlaudio, on n'en serait pas là. Elle ne comprenait toujours pas, enfin continue. Médaille d'or, alors là, la musique et tout ça. Et la doyenne qui reprend le tableau. Oh oui, bien sur tous ceux-là, oui, vous pouvez bien les féliciter. S'il n'y avait pas eu le Berlaudio, on n'en serait pas là. Madame Poignet, qui voulait pas repartir complètement idiote, et voit le maire au vin d'honneur, a dit, mais qu'est-ce que c'est, j'ai pas compris, mais qui c'est ce Berlaudio qui faisait rire tout le monde, et la doyenne parlait que de lui. Ah, dit le maire, bien sûr, vous ne le connaissez pas. Mais Berlaudio, c'est un enfant de la commune, un vrai Berlaudio. Et toute sa vie, jusqu'à l'âge de 18 ans, ce pauvre gamin, si tôt, qui voulait ouvrir la bouche et dire quelque chose, tais-toi donc, Berlaudio, tais-toi donc. Si les cons y volaient, il y a longtemps que tu serais chef d'escadrille. Et à 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il entendait que ça. Il a été au camp d'aviation d'un côté, et il s'est engagé. Et comme dit son père quand il est au bureau tabac, au café du coin, « Eh bien, mon Jean-Co, c'est pas rien. Il est devenu quelqu'un à présent. Il est chef d'espadrille dans les avions en rédaction. Pas n'importe qui, mon Jean-Co. Et alors, pour se venger, parce qu'il voulait se venger de tous ses petits copains, de tout le monde, là, qu'il l'avait bien embêté pendant une quinzaine d'années, qu'est-ce qu'il fait deux, trois fois par semaine, à 4 heures du matin, avec son escadrille d'avions à réaction au complet, en rase-mode sur Bogie? Évidemment, ça réveille tout le monde. Je sais, un paysan, ça se lève de bonne heure. Mais 4 heures, quand même un peu tôt pour se lever. Puis d'un autre côté, c'est un peu tard pour se rendormir. Alors, madame l'attachée détachée, à part des gamins, qui c'est que vous voulez qu'on fasse à Bougie? Nous sommes au rocon sur les toits, dans nos chaumières, sommeil, réveil chandelle, lève-toi. On nous connaît la journée après l'école, les plans sont belles, la voisine n'est pas morose. À peine réveillé, on se met à fredonner, alors on voit la. Chanter les bonjours, le printemps et l'amour. Chanter le bonheur, le soleil et les fleurs. Quand je soucie en le rêve, vive la vie quand elle est belle. Chanter les allez, allez, allez, roulez, roulez. Chantez les bonjours, le printemps. Thank you. cœur est sans tempête. Merci. Eh bien, on continue avec l'accordéon, bien sûr, jusqu'à 15h. Il nous reste un petit quart d'heure. Et je vous laisserai en compagnie d'RDP International, en direct du Portugal. Eh oui, chouette, de marquer sur Internet, demain à 3h, c'est-à-dire c'est la nuit dernière, il sera 2h. Voilà, chic on dort. Chic on dort. On continue avec cette fois-ci... De Bourret, la bourrée du Mont-Salvi et la bourrée de Chambéry, Bernard Rual. Bernard, tout qui cornard, il en met des chances qui étaient. Ma perqué. Perqué, tout qui cornard, dégueu des vos près de your place. A qui Bernard, faillot de ça! Et on écoute maintenant Cyril Musique, de son vrai nom Cyril Haricot, que j'ai reçu plusieurs fois à Radio Arc-en-Ciel. Honneur au sonneur. Thank you. bien, il nous reste un peu de temps. On va parler, comme je l'avais dit hier, de faire un point complet sur la météo pour Orléans. Actuellement, il y a 11 degrés à Orléans. Demain lundi, nous serons le 28, 8 degrés le matin, 12 l'après-midi, temps couvert. Temps couvert également mardi avec 7 et 12, mercredi. Plein soleil avec 3 le matin, 10 l'après-midi. Jeudi 31, pluie et neige mêlées, 3 degrés le matin, 10 l'après-midi. Vendredi, premier jour de Toussaint, de la pluie avec 9 et 15. Samedi, 13 et 15, quelques ondées. Dimanche 3, 11 degrés le matin, 14 l'après-midi, temps couvert. De la pluie pour lundi 4, 9 et 13. De la pluie pour mardi 5, 10 et 12. Temps couvert pour mercredi 7 et 11. Jeudi 7 et 11, pluie. Vendredi, temps couvert 6 et 11. L'autre samedi, neige et pluie mêlées 7 et 12. Et dimanche 10, 7 et 12, de la pluie. Voilà. Pas la peine d'arroser. Comme dirait, il n'y a plus rien à arroser. Labourer des boulous, ça se donne simplement avec quatre boulous, délurés très ardents. Les bonnes femmes restent assises, admirant la surprise. Voient leurs boulous danser, mieux que passer le balai. T'occupe pas de la musique, t'occupe pas de la musique, danse, danse. Avec quatre boulous, délurés très ardents, les bonnes femmes restent assises, admirant la surprise, voir leurs boulous danser, mieux faites passer le balai. Labourer les boulous, ça se danse simplement. Avec quatre boulous, des durées très ardents, les bonnes femmes restent assises, admirant la surprise, voient leurs boulous danser, mieux que de passer le balai. Bien, j'espère que vous avez passé un bon moment sur Radio Arc-en-Ciel cet après-midi, avec notre ami Berlaudio, bien évidemment, et l'accordéon de nos régions. Et on se donne rendez-vous demain à partir de 14h jusqu'à 16h pour Cocktail Coloré. À partir de 16h, vous retrouverez l'ami Francky avec son émission After Job, traduction après le travail. Dans quelques minutes, RDP International. Gagner les troupeaux, les gars ont des tuyaux, guidés sur les poteaux, une corde, un enclos, et quand il fait pas beau, dans les tables ils seront tout chauds. d'Amérique, les troupeaux sont menés par gamme pour la tactique des cow-boys chevronnés, équipés d'un lasso sur flanc de leurs chevaux, au cas où un taureau et une vache feraient des costauds. C'est un drôle de boulot pour garder les troupeaux. Les gars ont des tuyaux guidés sur des poteaux, une corde, un enclos. Et quand il fait pas beau, dans les tables ils seront au chaud. Eh bien, vous avez pu remarquer que nous n'avons pas de publicité aujourd'hui, c'est exceptionnel, suite à une déconnexion de Windows. Oubliez le fracas et tous les soucis, venez tous danser dans notre belle île, dans notre province, au cœur du pays. Au rendez-vous des grandes vacances, dans toute la France, c'est un jour de chance. Nous sommes prêts à accueillir dans notre région pour danser et la découvrir. Venez tous danser dans notre belle île, oubliez le fracas et tous les soucis. Venez tous danser dans notre belle île, dans notre province, cœur du pays. Venez tous danser dans notre belle île, oubliez tracas et tous les soucis. Venez tous danser dans notre belle île, dans notre province, cœur du pays. Notre folklore est admiré, tous les vacanciers se mettent à danser. Les filles, les gars sont costumés, il faudra danser pour le piqué et labourer. Venez tous danser dans notre belle île, oubliez tracas et tous les soucis. Venez tous danser dans notre belle île, dans notre province, cœur du pays. Venez tous danser dans notre belle île, oubliez tracas et tous les soucis. Venez tous danser dans notre belle île, dans notre province, cœur du pays. Après danser, il faut manger un bon pâté de Pâques, une soupe aux lentilles, sans oublier un sel gosier avec un reuilly, un sancerre et un balancier. Venez tous danser dans notre belle île, oubliez tracas et tous les soucis. Venez tous danser dans notre belle île, dans notre province, cœur du pays. Eh bien, on va se quitter jusqu'à demain, donc, comme prévu. On se retrouve à 14h pour Cocktail Coloré, les chansons anciennes. Bonne soirée à tous et à toutes, et puis à demain, et puis bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances. Chaque samedi, c'est reparti. Change de culotte et de chapeau pour être beau. Et la semaine, y'a un problème. On porte une biote des sabots, car on aime jardiner dans le potager. C'est super, un bon fan club. Des amis qui sont gentils, ils sont là. Des amis très passionnés pour s'amuser et puis danser. mes amis qui sont gentils. Ils sont là, pas de soucis. C'est super, un bon fan club. Des amis très passionnés pour s'amuser et puis danser. Devenu une musique de toutes les générations, c'est ce qu'il y a de bon. Duas da tarde no continente e na Madeira, uma da tarde nos Açores. Abrimos aqui o jornal. Vamos conhecer os destaques a esta hora. Donald Trump garante que o líder do Estado Islâmico está morto. Em conferência.